Celui qui te hait, celui qui te déteste. Car ils ont dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de postérité, qu'il n'avait pas d'enfant mâle après lui, qui vivra après lui. Et que donc, sa renommée allait retomber. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, celui qui te hait sera sans postérité. فالرسول صلى الله عليه وسلم محمود عند الله وعند خلقه حيا وميتا. Donc le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est loué auprès d'Allah et auprès de ses créatures, mort et vivant. أما هم فإن العار يلحقهم والبتر يلحقهم البتر المعنوي والبتر الحسي فلم يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. Quant à eux, certes ils sont couverts de honte et couverts de mensonges. فلم يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. Et donc, ils n'ont point nui au messager sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin.